بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الآن سندخل في درس جديد وهو الخامس سانكيام بعنوان عبد الله يريد سكنا. عبد الله veut un domicile. سكن c'est un lieu d'habitation. Car سكن يسكنو ça veut dire habiter. Ça a d'autres sens également. هذا هو المعنى المطلوب في هذا الدرس. C'est ça qui veut. الكلمات الجديدة نوفو فوكابولار. استأجر يستأجر. Là dans le sens du hadith, dans le sens du texte, il veut par là le fait de louer. Des fois ça peut être employer quelqu'un. يستأجر أجيرا, si tu emploies un travailleur. Mais là il veut dire quoi par là? Louer, location. استأجر c'est le masdar, c'est la location. تأخر يتأخر c'est tarder. Arrive en retard, مثلاً. Tarder. مدة c'est un temps, une période. معذرة c'est une excuse. Ou ça peut être un justificatif. مشغول c'est, vous savez, c'est le اسم مفعول de شغل يشغل qui veut dire être occupé. انا مشغول c'est je suis occupé. طرف, طرف المدينة c'est le bout de quelque chose. Le bout, là طرف المدينة c'est le bout de la ville. Et également ça peut être une chose qui est frêle. Ça fait qu'Allah عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف اي على طرف, qui adore Allah de façon frêle, fragile. إن صبوا خير يتمع النبي وإن صبتم فتنة قلب على وجهه. Tu vois, il adore Allah de façon frêle. Si un bien le touche, il est content. Dès qu'un bien le touche, il le voit en arrière, il délaisse tout. El harf man at taraf. Tarfan, c'est un clin d'œil. Hayyun min ahya al medina. Hayyun, là, c'est le sens d'un quartier. Hay, ça veut dire vivant également. Hay, ça veut dire par là, un quartier. Les ajli. Quand tu dis afal zalik al ajli zalik, c'est pour telle chose. Pour telle chose. Masalan taqul li akhik fillah uhibbuka fillah. Je t'aime en Allah. Toi tu peux répondre ahabbaka alladhi ahbabtani imma fihi aw li ajlihi. Que t'aimes celui qui, pour qui tu m'as aimé. Li ajlihi, pour lui. As'ada yus'idu, c'est le fait de rendre content, de réjouir quelqu'un. Jarun, ça c'est un voisin. Le jam c'est jiran. Barak, barakallahu fik, c'est le fait qu'Allah place sa baraka en toi. Il dit souvent bénir, mais j'aime pas ce mot-là, bénir. Et c'est réjouir ou c'est réjouir quelqu'un? As'ada, c'est réjouir quelqu'un. بارك الله فيك c'est le fait qu'Allah passe baraka en toi. طيب نقول الحوار معنا عبد الله وعثمان. ساكر ما يقول عبد الله وانت عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين كنت يا عبد الله؟ تقول كيف السلام il dit où étais-tu? كنت de كان يكون كنت toi où tu étais-tu? Où عبد الله fini. لقد تأخرت عن زيارتنا فلم نراك منذ مدة. Disert, tu as tardé à nous visiter. Là, à la base, c'est de notre visite. Mais là, comme en français, on ne peut pas le dire comme, c'est comme ça, on dira tu as tardé à nous visiter, à nous rendre visite. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Là, il y a une erreur. Qale منذ مدة. منذ مدة. مدة, là, c'est une période qui n'est pas définie. On avait dit que منذ vient pour un temps défini. S'il avait dit, mais ça allait منذ أسبوع, ça aurait été bon. منذ شهر, ça aurait été bon. منذ شهرين, ça aurait été bon. Mais là, منذ مدة, c'est هذا شيء يعني مبهم. C'est une chose qui n'est pas définie. Donc, l'oratin, ce n'est pas correct de dire comme ça. Mais bon, maintenant, les gens, tu as vu dans la langue arabe, ils sont devenus assez متساهلين. قال معذرة عن ذلك لأنني مشغول في هذه الأيام. Il dit معذرة, c'est-à-dire, en fait, je m'excuse. Désolé, m'excuse de cela. car ces jours-ci, j'étais occupé. Mashroul. Donc il dit, d'accord, Inch'Allah, tant mieux, enfin, tant mieux, non pas tant mieux, mais d'accord, tu vois, d'accord. Qu'est-ce que tu avais dans le sens? أنت تعلم أنني أسكن بيتا من في طرف المدينة وقد بعت سيارتي. Tu sais que j'habite dans une maison qui est à l'autre bout de la ville et que j'ai vendu ma voiture. إذن لماذا لا تفكر في استئجار مسكن في المدينة؟ Donc pourquoi ne réfléchis-tu pas dans la location d'une maison, un lieu de résidence, dans notre quartier. هذا ما حضرت لأجله. إنني أريد أن أسكن في وسط المدينة في حيكم قريبا من بيتكم. Il dit c'est pour cela que je suis venu. هذا ما حضرت. حضرة, on va dire c'est venir présenter. لأجله, pour cela. Car ça, je réfléchis, je veux habiter au milieu de la ville, wasat c'est le milieu, dans votre quartier, proche, qariban, une meitikoum de votre maison. Yus'iduna antakuna. Yus'iduna, il n'y a pas de même. Yus'iduna. Naam. Antakuna jarrannana. Wa antakuna qariban min amalika. Donc il a dit, nous réjouit, on a dit, yus'idou c'est le fait de nous réjouir, mais là c'est à nous, on nous réjouit, que tu sois un de nos voisins. Et Jaran Nana, un de nos voisins. Et que tu sois proche de ton travail. Barakallahu fik, ya Othman, wa azun. Wa azunnu, je savais que ya zanna, c'est azunnu, zanna. Annani sa'ajidu baytan munasiban. Il dit qu'Allah baraka en toi, Othman. Et je pense que je trouverai une maison convenable. Inch'Allah. Non, Inch'Allah. Allez, un fou maintenant. طيب تدريب الأول لكستون غلطيبو تكست أجيب عن أسئلة التالية على سيكون في البيت. هل تأخر عبد الله عن زيارة عثمان؟ أسكي عبد الله تعدي بزيارة عثمان منذ متى لم يزوره؟ depuis quand n'a-t-il pas visité؟ ما سبب تأخر عبد الله؟ quelle est la cause du retard d'عبد الله؟ تأخر c'est le mazhar تأخر. رابعا أين يسكن عبد الله؟ وسكن عبد الله إلى بيت. خامسا ماذا فعل عبد الله بسياراته؟ يسكن عبد الله في سا voiture. سادسا فيما يفكر عبد الله؟ en quoi réfléchit عبد الله. سابعا أين يريد عبد الله أن يسكن؟ وسكن عبد الله veut habiter. ثامنا بماذا أجاب عثمان عندما قال له عبد الله أريد أن أسكن قريبا في حيكم؟ Par quoi a répondu Othman, Indama, ça veut dire lorsque. Quand? Au moment. Vous voyez, lorsque Abdullah lui a dit, je veux habiter proche de votre quartier. À proximité de votre quartier. Donc tu réponds à cette question. Wan ajwiba mawjouda fi an-nass. Athani, yaqul, ajib kama fi an-namuzaj. An-namuzaj, jar, yasurruna an takuna jarrannana. Donc, réponds comme dans l'exemple. Asarra, c'est Asada. C'est la même chose, ça nous réjouit. C'est Sarra, Yasurru. C'est le sens de Asada, comme un peu dans le texte. C'est Mouradi, c'est synonyme. Donc, entre parenthèses, on a Jar, qui est le voisin. Après, on a l'exemple à faire. Yasurruna, an takuna, jaran lana. Il nous réjouit que tu sois un de nos voisins. Ils n'ont pas dit Takuna Jarana, Jarana. Que tu sois notre voisin. Là, c'est Jaran Nana, c'est un de nos voisins. Un de nos voisins. Parmi nos voisins. Donc, tu fais pareil avec Sadiq, qui est ami, Mudarris, il écrit Madaris, mais c'est Mudarris, professeur, Tabib, qui est le médecin, Imam, Ma'alouf, et Daif, qui est l'invité. Fadal. Il nous réjouit que tu sois un de nos amis. يسرنا أن تكون مدرسا لنا. نرجوك تكون أحد من المدرسين. يسرنا أن تكون Rabbi Ibn Lana. Tu sois un de nos médecins. يسرنا أن تكون إماما لنا. Un de nos imams. يسرنا أن تكون ضيفا لنا. نعم أحسنت. التدريب الثالث troisième. املأ الفراغات في الجمل الآتية بما يناسبها من الكلمات. Maintenant, c'est remplir les trous avec les mots qui correspondent. At-ta'akhur, le retard. Istijar, la location. Wasat, le milieu. Yus'iduna, on réjouit. Les ajli, pour, une telle chose. Mashroulan, occuper les mansoubs, là, attention. Barak, la baraka sont placées. Les Français, Zahabtu ila al-matar, muqabilat sadiqi. Je suis allé à l'aéroport, rencontrer mon ami. Ou la rencontre de mon ami. Thaniyan, innani uridu an askuna al-Medina. Je veux habiter la ville. Thalithan, ma'ziratan an hadha. Mes excuses de ce. Tu mets le mot qui faut. Thalithan. Le trou, en takuna jaran nana. Donc le trou, que tu sois un de nos voisins. Khamisan, limaza, la tufakiru fi, beitin fi hayyina. Pourquoi ne réfléchis-tu pas dans une maison dans notre quartier? Sadisan, Allahu subhana lana fi a'madina. Donc le trou, que Allah, dans nos œuvres. Sabihan, d'accord, des kuntu, fil bait. J'étais certes quelque chose dans la maison. Maintenant, on prend l'exercice dans lequel il y a une qaïda nahouïa. Dans le nahou. Qui est avec an. Yakoul, ana uridu an askuna wasat al medina. Je veux habiter au milieu de la ville. On a expliqué que an, c'est un harf nasb ou un masdar istiqbal. C'est un harf de nasb qui vient faire la liaison entre deux verbes. Je veux faire telle chose. Donc le verbe, le premier, va être marfou. Uridu. Il est marfou avec une dhamma. Une dhamma affichée. Après, tu mets an, et le verbe qui vient après an, il est mansoub par an. Et son signe de nasb sera soit une fatha, ça n'est comme ici. Tu ne vas pas dire an uridu an askunu. Khata kabir. Tu veux dire, uridu anaskuna. Les mots sous le verbe, pas un. Sa marque de nasb, aramat nasbihi, c'est la fatha. Il y a des choses qui remplacent la fatha. Quand c'est par exemple la fa de khamsa, c'est les verbes qui finissent par comme yaf'alani, les deux font. Taf'alani, tous les deux vous faites. Ou taf'alani, elles deux, elles font. Ou Taf'alina, toi tu fais, en parlant une femme. Taf'aluna, vous faites vous. Ou yaf'aluna, ils font eux. Ces verbes-là, ils sont marfour, c'est quoi la marque du raf? Il n'y a pas de dhamma. Il y a autre chose qui remplace le dhamma, c'est quoi? C'est le noun qui est à la fin. Aramatu rafiha, el noun. Donc ce noun, quand le ani rentre, quand ces verbes-là, qui sont ani, ou una, ou ina, anti, ils sont mansoub, c'est quoi le signe de leur finance? On enlève le noun. Le noun, il tombe. Par exemple, tu dis Turiduna an taskunu fi hayyina. Vous voulez habiter dans notre quartier. Tu ne vas pas dire Turiduna taskununa. Khata kabir. Tu vas dire Turiduna an taskunu fi hayyina. Vous voulez habiter dans notre quartier. Pourquoi tu dis taskunu? Parce qu'il y a an devant. Donc, tu enlèves le noun. Turidani. Vous voulez tous les deux an taskuna. Vous voulez habiter dans notre quartier. Tu enlèves le noun. Tu ne dis pas taskunani. Tu dis taskuna. Et le alif, c'est le fer'il. Enfin, c'est. Tu as mis un mot de tassil. Donc maintenant, tu vas appliquer cela. Maintenant, on va le faire ensemble. Call. Donc là, la phrase namouzesh c'est ana uridu anaskuna wasat al medina. Je veux habiter au milieu de la ville. Donc, maintenant, avec huwa, comment tu vas dire? Il. Il y a Turidu, Non, mais le thème, il n'est pas ça, je m'énonce. Le shahid pour nous, c'est les harakat. Anta, toi. Anta, turidu, anta skuna, wasat al-medina. Anti. Anti. Anti, turidina, anta skuni. Aïe, wa, sainte. Wasat al-medina. Je ne dis pas anta skunina. Là, on enlève le noun, parce que c'est le noun là-bas qui est le qui emploie sa bombe. Donc tu dis, turidina, là, il est mon mafou, adi, le noun, il est présent. An, taskuni, et là, le ni. Aïe, c'est taskuni, ina. À la base, quand il est mafou, là, tu veux dire taskuni. T'enlèves le na. T'enlèves le na. Nazar. Après, c'est antuma, c'est-à-dire vous deux, mozaka, masculin. Turida, ani, an, taskuna. Taskuna, moi c'est un manine. La taskuna, c'est pas une fatah, c'est un alif. Antouma ou un neuf, vous deux à des femmes. Tulidani, Antaskuna, c'est le même. C'est exactement. Houma, là c'est Roy, absent. C'est eux, eux deux. Houma, Yulidani, Anieskuna, Anieskuna, moi c'est un manine. Non, pas cinq. Houma ou un neuf, L2. Huma Tulidan Tulidani Antaskuna Wasatan Madina. Non, c'est tout ce qui est moins neuf. À la base, pour un tel à part Hunna. Hunna, ça prend rien. Mais l'esprit prend un tel. Hiya Tadhab. Anti Tadhabin. Antunna Tadhabna. Wantuma pour deux femmes, Tadhabani. Wahuma pour deux femmes, Huma Tadhabani Kazalik. C'est-à-dire Tadhabani, avec un tel. Et le seul où il y a ailleurs, c'est Hunna, le dernier. Hum. Hum, yuridu huna, en taskunu, en yaskunu, en yaskunu. Et on enlève le na. Ou antum. Antum, yuridu huna, en taskunu, wasat al-Madina. Non. Arsène. Donc, hala, narahu min jadid, inshallah, fil al-Jurumiya, dans Aramat al-Nasr. Dans les marques du Nasr. Après, il y a d'autres choses encore qu'on peut rajouter. Des fois, quand le verbe est mabni, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, il est invariable. Comment on fait ? Ça va venir, Inch'Allah, fi idrus al-mukbila fi ilm al-nahu, Inch'Allah. طيب. Al-khamis. Dor as'ilatan l'ijabat al-taliya. Là, maintenant, c'est de donner les réponses, ou plutôt les questions-réponses suivantes. Comme d'habitude. Uridu an askuna wasat al-madina. Je veux habiter au milieu de la ville. Je donne la question qui est liée à cette réponse. Yusrida, yusrida, ou yusriduna, antakuna jarannana. Nous réjouit que tu sois un de nos voisins. C'est quoi la question? Kana yavunnu annahu tabibun. Il pensait qu'il était un tabib, un médecin. La hadha albaytu ghayru munasibin. Non, cette maison ne convient pas. Ou inconvenable. Khamisan. Yufakiru abdullah fi istijar baytin jadidin. Abdullah réfléchit dans location d'une nouvelle maison. Ada fil bayt. Comme demain c'est Jumu'a, alhamdulillah, ça va être un temps. Tadrib al-sadis, sixième. Istamil al-huruf al-taliya fi jumalit bihaythu takounu an al-sakan. Donc maintenant tu dois utiliser les huruf qui sont là en bas dans des phrases qui sont liées à une habitation. Des phrases qui sont liées à un lieu d'habitation. Et toi, tu as stafid une nas. Indek fi, donc li, pour, min, de, wa, et, an, celui-là est subtil à traduire, mais toi, tu regardes dans le texte comment il est utilisé, et tu vas. Par exemple, une chose qui est à l'extérieur, akhruj an al-bayt. Tu peux dire min, ou tu peux dire an al-bayt. Thumma, ensuite. Am, qui veut dire où, le choix. Ou également. Et le dernier, ça va bien, ça confirme le kazalik. Istamil kul kalimat min kalimat al-taliya fi jumlat mufida. Emploie les mots suivants dans des phrases mufida. Indana ta'akhara istajara mudda taraf al-Medina, ajl. Ajl. Alors, ajl également, ça peut être un terme. Il s'agit d'ajl hum. Lorsque leur terme vient, c'est-à-dire l'horreur, la mort vient, on ne peut ni la retarder ni l'avancer. Et quand tu dis les agilites, à la base, agile, c'est un terme, un délai, et là, c'est une cause. Et quand tu dis ajal, avec une fatha sur le djim, mamana ajal, ça veut dire en effet, comme un âme. Comme on dit, c'est le masoud, quand on dit, c'est le masoud, quand on dit, c'est le masoud, quand on dit, c'est le masoud, quand on dit, c'est le masoud, quand on dit, يعني وجعا شديدا قال اجل دي في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم كي كان train de souffrir était malade lui dit mais tu souffres beaucoup il dit en effet اجل en effet c'est تقول انت من فرنسا تقول اجل بلاء c'est pas بلاء non sûrement pas ah c'est كلا ah Bala, c'est-à-dire quoi Bala Bal, non, c'est pas Bal. Bala, Alif Matouya. Là Bala, il n'y a aucun Nabi Abdi. Ou bi Rabbi Basira. C'est-à-dire si. C'est avec souvent une question qui est à la forme négative. تكون مثلا ألم تكن موجودا أمس كنت تشوفها لا ياه تجي بلا سي تبى تجي نعم تجي سي نعم سي كم on voici une réponse ça va avec quoi avec une question en négative mais tu peux faire telle chose tu dis si la fait تجي بلا ألم تفعل هذا بلا ثامنا أسعد تاسعا مشغول عاشرا معذرة لا تنسى المورا كل المورا إن شاء الله تعالى تفعل دي فازة بك ومن ستة عن قوي الله مبارك تفعل لير السيس إلى السيس عصام تتشعر دي فازة في الكل يلي حروف دي et des phrases, et dans ces mêmes phrases, tu emploies les mots qui sont là. Tu arrives à faire un lien entre les deux, « Allahumma barik ». Tu fais comme on dit, « Pierre Nicole ». Et je te l'autorise. À la base, on fait « Tadrib, Tadrib », et là, je te l'autorise. « Mafouma ala »« Fa'il, fa'il, la'una »« Wa'l-hamdu, l'il-la'ubu, la'ala »